exceptionnel. Qui le matin, peuré, à moitié réveillé, dès la première gorgée nous donne envie de chanter. Moi j'aime le pastis, moi j'aime le pastis, quand il y a de l'anis. Moi j'aime le pastis, et quand dans ma gorge ça glisse. Moi j'aime le pastis, aïoli, aïola, moi j'aime le pastaga. Oui, ce revival, c'est une musique plutôt reggae authentique. Thérapeutique, de soigner radicalement tous les soucis de colique. On dit même c'est arrivé qu'à l'heure de l'apéro, la politique s'y est frottée et sont devenus un peu moins prenants. Et moi la dernière fois je vais goûter ça au boulanger. Maintenant de 4 à 10 tu peux l'entendre chanter. Moi j'aime le pastis, moi j'aime le pastis, quand il y a de l'anis. Moi j'aime le pastis, c'est quand dans ma gorge ça glisse. Moi j'aime le pastis, aïoli, aïola, moi j'aime le pastaga. Je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois le pastis, je vois quoi.